texte, une parenthèse dans le parchemin de ma vie. Je paragraphe par cœur, par devoir et par envie. Je pars, mais je ne fuis rien ni personne. Je pars pour vivre, exister, et je pars pour mieux rester. Je parle avec des mains de parpaing, de parlement, de partager ça autrement. Je pars à dox, je m'embrouille, je paranoïe, je pars choc. Oh putain, je pars en coup. On est par terre, morceau, pareil et parti fou. Sur le départ des partitions, pour écrire et demander pardon. On est nulle part et partout, par-dessous et parmi vous. Par-ci, par-là, et parasite, divers la bim, pas productive. Je n'avais rien d'autre à part mairie, ma feuille et ma langue de bois. Je ne suis qu'un gosse de l'underground, une pierre de plus au clandestin. Une bande de soif qui s'est dit que la zig était un grand devoir. En dépit des places, j'ai le cul posé entre Delhi et Taf. J'aiguise mon instinct viscéral, j'ai visé large, j'ai pris des paf. Comme tout le monde sans forcément crier gare. Des rimes, j'en écris des tas au fil des pages. J'ai cramé des lignes et des marges. À ce qui paraît, tous les poètes ont pris le large. Cherchez bien, vous les trouverez souvent entre le pic et le mic. La foi quitte nos pas, on accomplit nos tâches. Alors comprends bien que pour parler au nom des nôtres, on en saisit l'occasion. On dépite nos phases, alors des ravis de là. On braque tes tympans, considère cela comme une prise d'otage. Ce n'est pas une partie de rigolade, le rap est mort. Alors prends ce texte comme un petit hommage. On te laisse dans de sales draps quand on reprend l'avantage. Je suis sur ton avatar, au palace, au bazar, en balade, au malade, à la rage, au bloc-up, avec patate et panache, au hasard, sur l'asphalte, au bar-pop, au carnage, au bateau, au manana. Je suis entre tracas, cache-cache, fracas, blabla, crachat et brassard, bavard qui jacasse, bâtard des rapaces, travail et baraque, arnaque et chalac, Garcia et Cala, Blagnac, Rubaya, plate, pâte et casse-dalle, cafard et fada, cravate et falsa, paragraphe, flashback, ici, là-bas, entre la part et panache, mon canne appelle ma cadavre.